Il découvre dans les déchets une boîte à gâteaux contenant 100 000 euros. Прослушайте текст и ответьте на вопрос, что сделал главный герой с найденными деньгами. Объясните его поступок. Ce responsable d'un magasin de bricolage a tout fait pour retrouver les propriétaires de ce magot. Samedi matin, Yvon Wontergeim, le responsable du magasin Bricorama de Saint-André-les-Lilles, dans le Nord, inspectait comme d'habitude les déchets abandonnés contre la benne de son établissement. Et tout à coup, il a découvert une boîte à gâteaux. Une boîte à gâteaux dans laquelle étaient rangés soigneusement 100 000 euros en billets. Yvonne Wontergeim a découvert également une enveloppe avec une adresse. Il s'est rendu immédiatement à l'adresse indiquée sur l'enveloppe. Et là, il a vu une famille en train de déménager à la suite de l'hospitalisation d'un des parents et du départ en maison de retraite de l'autre parent. Yvon a alors raconté à la fille sa découverte du matin, qui s'est rendu compte que ses parents conservaient une petite fortune depuis des années dans cette boîte abandonnée par erreur. Ils avaient constitué ce magot pour financer leurs frais d'hospitalisation. Yvon Wontergeim n'en est toujours pas revenu. Il avoue cependant qu'il a tout de suite voulu retrouver les propriétaires et rendre cette petite fortune. Je me suis dit que si on me piquait mes économies pour aller en maison de retraite, je serais heureux aussi que quelqu'un me les ramène, avoue cet homme particulièrement honnête.